Oui, c'est bon. Voilà. Bien, merci, merci Martine et merci à tous et toutes d'être venus ce matin et merci de nous avoir, merci surtout merci de nous avoir invités puis d'avoir, dans le cadre de votre séminaire, d'avoir porté l'accent sur le travail des géographes et si en plus ça peut vous convaincre que la géographie n'est peut-être pas la discipline que vous imaginez, alors c'est une raison supplémentaire pour venir. Alors, comme Martine l'a évoqué, hein, il y a un intérêt pour les questions de genre en géographie, alors peut-être moins que dans d'autres disciplines comme la sociologie ou l'histoire, si on en croit la base du CNRS, le recensement du CNRS. En fait, on peut dire que la géographie s'est emparée de la question du genre, et notamment sous l'angle, ça, Anne nous en parlera de manière plus précise après, sous l'angle des approches féministes. Et c'est vraiment sous la catégorie du féminisme qu'on a commencé à interroger la construction des savoirs géographiques et ce que les savoirs ce que les points de vue féministes peuvent nous dire de la fabrication des savoirs géographiques. Alors, dans la répartition des rôles qu'on a eu ce matin, il paraissait évident, puisque Anne mène des recherches contemporaines et en cours, hein, vraiment précises sur la question féministe, que je n'allais pas intervenir sur la question féministe et que Anne avait beaucoup plus d'expérience, de connaissances que moi. Et donc, il m'avait paru intéressant de pouvoir me porter sur l'autre aspect, la géographie masculiniste. En fait, pour une raison simple, hein, c'est que j'ai une approche historienne de la discipline. J'ai beaucoup travaillé sur le début de la géographie française, donc je reviendrai après. Donc c'est la fin du 19e siècle jusqu'à la crise de la géographie qui atteint dans les années 70. Et à cette époque-là, la question du genre ne se pose pas, et la question féministe non plus. Donc dans mes travaux, je n'avais pas tellement interrogé cette question du genre, ou du moins un peu en creux. Et donc je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion, ce séminaire, de pouvoir confronter les travaux que j'avais faits, les lectures que j'avais faites, les sources que j'avais constituées, et d'essayer d'en proposer une lecture genrée et sous l'angle du masculin. Alors, d'emblée, cette tâche m'a paru assez difficile et compliquée. D'une part, parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le cœur de mes recherches. Martine a rappelé, j'ai travaillé sur les pratiques de terrain des géographes français et la fabrication des savoirs géographiques dans une approche d'histoire et de sociologie des sciences. Et j'essaie d'envisager la place du terrain dans la construction des savoirs géographiques. Et les archives et les corpus de texte que j'avais constitués à cette occasion avaient pour but d'assurer le terrain et pas tellement d'assurer la question du genre. Donc là, j'ai un biais, j'ai un effet de source. C'est-à-dire que je vais essayer de mobiliser des archives et de les faire parler, mais pour ce qu'elles ne contiennent pas ou ce qu'elles contiennent en creux. Et le deuxième problème que j'ai eu, c'est un peu l'évidence de la question. C'est que parler de géographie masculiniste, soit ça n'évoque rien, soit ça paraît tellement évident qu'on n'a pas tellement d'outils pour le saisir. C'est-à-dire de dire que la géographie a été faite par des hommes et que les méthodes sont, ce que je vais essayer de vous montrer après, que la géographie a été faite par des hommes et que les méthodes relèvent donc d'une démarche masculiniste, ça semble aller de source et j'ai même pas eu tellement le moyen d'interroger cette évidence. Par exemple, j'ai mené pour ma thèse un grand nombre d'entretiens avec des géographes, hein, j'en ai interrogé à peu près une centaine, donc des géographes en gros qui couvrent des géographes qui ont été en carrière depuis les années 50 jusqu'à nos jours. La question du genre dans les entretiens n'est pas tellement apparue, sauf peut-être pour les géographes les plus contemporains, et notamment pour la période qui m'intéresse, hein, les années 60, 70 et même 80, la question du genre, soit l'approche féministe ou masculiniste, va de soi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas discutée et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai réussi à faire parler mes interlocuteurs. Peut-être aussi, et ça c'est aussi un biais, peut-être aussi parce que je n'ai pas directement mobilisé cette entrée dans ma grille, et là encore on a un effet de source. Donc finalement, pour moi, je voyais cette séance comme l'intérêt pour me pencher sur une évidence, mais que j'avais bien du mal à explorer et à interroger. Et donc, grâce à cette occasion qui m'est donnée, je vous en remercie encore, je vais essayer d'interroger un petit peu ce silence et d'essayer de me demander s'il n'y a pas finalement une spécificité de la géographie masculiniste. Alors en fait, le point de départ pour ma réflexion, c'est un article de Claire Hancock, publié au tout début des années 2000. Donc Claire Hancock est une géographe qui est à l'Université de Créteil et qui mène des recherches sur le genre et qui a écrit un article qui pose ouvertement la question de savoir si la géographie est masculiniste. J'emploie les termes. Géographie masculiniste. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est le contexte de parution de cet article. C'est une réaction à un article qui a été publié en 2001 par Numa Brock dans les Annales de géographie. Numa Brock, c'est un historien de la géographie qui est maintenant professeur émérite, qui est à Perpignan et qui a mené des travaux notamment sur la géographie de la Renaissance, puis après la géographie du XVIIIe siècle, et qui est considéré comme l'un des grands spécialistes d'histoire de la géographie. Petite parenthèse, il a publié il y a 2 ans une très très grosse histoire de la géographie physique française, 19e, 20e siècle, en 2 volumes, c'est vraiment un travail considérable. La question du genre n'est pas abordée une seule fois. Pour vous donner une idée de l'approche. Et donc, dans cet article de Numa Brock, paru en 2001 dans les Annales de Géo, en fait, il va à l'encontre d'une idée reçue. Numa Brock montre que, contrairement à l'idée qu'on avait pu avoir de la géographie, les femmes étaient présentes. Et notamment, il s'appuie sur une étude assez fine des Annales de géographie donc du début du XXe siècle, des années 1900 aux années 1935, enfin, juste avant la Deuxième Guerre. Et il s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui participent. Il y a beaucoup de femmes qui signent des articles, qui signent des notes, on cite des travaux de géographes femmes. Alors il essaie de comparer un petit peu cette géographie faite par des femmes en termes de terrain de recherche, de méthode, en termes de localisation des terrains, et il arrive à la conclusion pour dire que finalement il y a des femmes dans la géographie, mais que les méthodes, enfin ce qu'elles font, c'est une géographie qui n'est pas différente. La géographie faite par les femmes à l'époque n'est pas différente de la géographie faite par les hommes. Et il pose la question finale, qui est dans le dernier paragraphe du texte, et il demande s'il y a finalement, est-ce qu'il y aurait une manière féministe, enfin une manière, pardon, pas féministe, est-ce qu'il y aurait-il une manière féminine de faire de la géographie? Et il finit sur cet aspect. Et c'est justement sur cette phrase que va réagir Claire Hancock, puisqu'elle va essayer de dire, bah oui, effectivement, il y a une manière féminine de faire de la géographie. Alors moi, toujours à partir de cette lecture de Numa Brock, je voudrais retourner la question. S'il n'y a pas de manière féminine de faire de la géographie, est-ce qu'il y a une manière typiquement masculine de faire de la géographie à cette époque-là, dans la première moitié du XXe siècle? Et cet article, une fois que je suis sorti de la controverse entre Numa Brock et Claire Hancock, j'ai relu l'article en fonction des travaux que j'avais faits, des travaux que j'avais menés, et des lectures et de la connaissance que j'avais de la discipline, notamment à cette époque-là. Alors, j'étais très très surpris parce que, pour le coup, le constat de Numa Brock et le paradoxe initial me paraissaient justifiés. C'est-à-dire que dans mes recherches, j'ai rencontré très très peu de femmes pour la période du premier XXe siècle. Il y a peut-être des femmes qui ont écrit régulièrement dans les annales de géographie, mais je n'avais aucune trace de femmes dans les corpus que j'avais constitués pour ma thèse. Donc principalement les comptes rendus des premières thèses d'État qui ont été soutenues par les géographes des années 1900 aux années 1900, enfin à la fin des années 20. Pas non plus de traces de femmes dans les comptes rendus des excursions interuniversitaires. J'y reviendrai plus tard dans le cours de mon exposé, hein, qui était des grandes manifestations organisées chaque année par les universités, qui était vraiment le grand moment de rassemblement des géographes de toute la France. Il n'y a pas tellement de femmes. La première femme qui participe à l'organisation d'une excursion, c'est les années 60, hein, c'est Jacqueline Bonamour dans la région de Tours. Et enfin, dans les entretiens que j'avais menés, bah, j'avais pas tellement de témoignages de femmes. Enfin, d'une manière générale, j'ai moins de témoignages de femmes parce que statistiquement, il y a moins de femmes dans la communauté des géographes que d'hommes. Et même sur les femmes qui ont été en poste, donc qui ont été formées dans les années 50 et qui ont été en poste dans les années 60-70, la question du genre était peu présente et ils ne m'ont pas parlé d'autres femmes avec qui elles auraient pu être formées, travailler ou qui auraient eu un effet d'entraînement sur elles. Donc là encore, c'est un effet de source que l'on peut pointer. Et en fait, ça tient peut-être à la nature particulière des sources que j'ai mobilisées, puisque je les ai constituées pour interroger un objet dont je vais vous parler un petit peu, qui est le terrain. Le terrain des géographes. Alors, le terrain, hein, là encore, pour accorder les choses, hein, le terrain, c'est assez polysémique. Hein. Le terrain, c'est à la fois la méthode, c'est-à-dire le fait d'aller collecter des données in situ. Ça s'oppose au travail de cabinet, au travail de bibliothèque, au travail d'archives. Donc, il y a le travail de terrain, c'est une méthode. Mais le terrain, c'est également un objet. C'est l'objet de la géographie. Dans le cadre d'une géographie qui, depuis le 19e siècle, enfin, fin 19e siècle, est une géographie régionale, le terrain, c'est l'objet de la géographie. Et on a vu dans toute la première moitié du XXe siècle des grandes thèses monographiques qui sont fondées sur l'étude du terrain. Alors, on en revient peut-être à une idée, c'est que si les femmes sont présentes dans la géographie du premier XXe siècle, elles semblent, et ça c'est le point de vue que j'avais, elles semblent finalement assez absentes du terrain, et de ce que l'on a pu dire et de ce qu'on a pu écrire sur le terrain. Et donc, j'en viens à l'hypothèse que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Eh bien, en fait, je voudrais me demander si la géographie masculiniste, si elle existe, on va essayer de voir qu'on peut essayer de poser les bases d'une géographie masculiniste, on peut se demander si ce n'est pas justement sur le terrain, dont les femmes semblent absentes, qu'elle se met en place. Et donc, cela nous invite à interroger, non plus seulement comme je l'avais fait, la fabrique de la géographie, mais la fabrique de la géographie masculiniste. Et on va donc s'intéresser au lieu précis, le terrain, dans lequel on fabrique de la géographie. Alors, pour poser les bornes chronologiques du sujet, j'ai commencé mes travaux au moment de la Révolution vidalienne, donc Vidal de la Blache, hein, qui est donc le géographe qui institutionnalise la discipline à la fin du XIXe siècle. Hein. Il commence vraiment sa carrière à partir des années 1870 et il mène un travail très important, au moins à trois niveaux. D'une part, il institutionnalise la géographie, puisqu'il arrive à ancrer la géographie dans le paysage académique en recomposition de la fin du XIXe siècle. Notamment, il acquiert des positions de prestige. Hein. Il est maître de conférence assez vite dans cette maison, hein, ici à la rue d'Ulm. Il obtient en 1898 une chaire en Sorbonne, alors qu'auparavant, la chaire de géographie est une chaire de géographie historique, donc on a des historiens. Donc il y a une chaire de géographie qui est autonome. Et puis en 1891, il fonde une revue, hein, les Annales de géographie, qui était la grande revue pendant, enfin, jusqu'aux années 70, qui était la seule grande revue universitaire de géographie. Hein. Donc Vidal, finalement, a un rôle, c'est qu'il transforme complètement les cadres dans lesquels on fait de la géographie. Mais surtout, Vidal rénove en profondeur la discipline en lui imposant un nouvel objet. Désormais, la géographie a pour but d'interroger les relations homme-milieu à l'échelle régionale. Donc il a fait un gros travail épistémologique pour recentrer, redéfinir l'objet de la géographie. Et le corollaire, c'est qu'il va redéfinir la méthode. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, il interroge les relations homme-milieu à l'échelle régionale, et donc la méthode privilégiée, c'est la méthode de terrain. C'est-à-dire que le géographe, maintenant, doit aller sur place, collecter les données dont il a besoin. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est une rupture avec l'ordre établi avant. Hein. Auparavant, si on pense à ce qui se faisait encore jusqu'au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, on avait une séparation des rôles entre, d'une part, les explorateurs, donc ceux qui avaient en charge de collecter des données, et ceux qui avaient ensuite pour but de traiter, d'organiser, de compiler les données. Désormais, avec Vidal, c'est le même géographe qui exploite les données et qui les transforme. Alors, donc, le début de la période s'imposait. Hein, donc, je vais commencer à travailler aux années 1970 et surtout à la toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, puisque les premiers travaux vraiment arrivent au début, dans les premières années du 20e siècle. Hein. La grande œuvre de Vidal, c'est le tableau de la géographie de la France qui sort en 1903. Et les premières thèses d'inspiration vidalienne commencent aussi à être soutenues en 1902, les thèses de Jean Brune et d'Emmanuel de Martonne, et puis en 1905, la thèse de Mongeon sur la Picardie. Voilà, donc là, le début de la période est assez clair, c'est vraiment le début de la période de vidalienne. La fin de la période est peut-être un peu plus difficile à nuancer, et on peut s'appuyer à ce moment-là sur les dynamiques propres à la discipline géographique, et il y a une rupture qui apparaît souvent dans les textes, dans les discours, dans l'orientation, et dans les différents travaux historiques qui ont été menés. C'est la période qu'on appelle la crise de la géographie. Alors, c'est un terme employé avec précaution, c'est un terme qui est contesté, notamment dans ses interprétations, mais pour faire simple, la crise de la géographie, ça désigne la période qui commence à la fin des années 50 et puis qui finit au tout début des années 80, enfin du moins fin des années 70, début des années 80, durant laquelle l'héritage vidalien est contesté et remis en cause. Et donc c'est le moment où la géographie vidalienne, qui était moderne au début du XXe siècle, devient une géographie classique, pour ne pas dire ringarde et dépassée. Et c'est le moment où vous avez un renouveau des approches théoriques, méthodologiques, qui aboutissent à l'éclatement, au foisonnement des approches contemporaines de la géographie. Autant la première moitié du XXe siècle, enfin jusqu'aux années 70, on a à peu près une manière unique de faire de la géographie, sur un même moule, autant après les années 70, c'est la diversité des projets et des démarches qui l'emportent. Alors voilà, donc là, ça va être un court siècle de géographie, hein, donc de 1870 jusqu'à 1970, et c'est une géographie qui est quand même marquée par, qui est marquée par le poids de la géographie vidalienne. Alors, je vais donc essayer d'étudier cette dimension masculiniste de la géographie vidalienne. Alors pour ce faire, je vais reprendre, remobiliser les corpus et les archives que j'avais mobilisés pour ma thèse. Alors que je vais présenter un peu plus en détail, principalement des comptes rendus d'excursions interuniversitaires. Alors, il y avait peu de géographes hein, au début du XXe siècle, et ils s'étaient mis d'accord pour organiser chaque année une grande excursion qui sera organisée par l'un des membres, enfin l'un des professeurs dans une région de France, qui auront pour but d'organiser sur une semaine ou 10 jours, une grande excursion pour emmener des étudiants méritants et leurs enseignants dans une région de France. Et le but, c'était vraiment d'en faire un lieu de sociabilité, puis un lieu pour promouvoir aussi les nouvelles méthodes de recherche. Alors, cette initiative hein, qui commence en 1905 par une excursion qui a lieu en Bretagne, à Rennes, qui est organisée par Emmanuel de Martonne, cette excursion, enfin cette institution se pérennise puisqu'elle s'arrête dans les années 70, dans les années 73-74. Alors, l'intérêt, c'est que cette excursion a donné lieu chaque année, ou presque, sauf exception, a donné lieu chaque année à la publication d'un compte rendu dans les annales de géographie. Donc on a un texte qui permet d'instruire quand même le déroulement de ces excursions, leur public, les itinéraires et puis un petit peu les travaux qui ont été faits. Donc ça va être la principale source que je vais mobiliser dans ce travail. J'ai aussi mobilisé les comptes rendus des thèses d'État, des premières thèses d'État qui ont été soutenues par des géographes vidaliens. Et notamment enfin, les comptes rendus qui ont été faits par des géographes vidaliens, donc qui ont été publiés dans les annales, mais également les comptes rendus qui ont été faits par les sociologues. Je pense notamment à l'article de Signan de 1909, dans lequel il règle un peu ses comptes avec la géographie vidalienne, mais également les comptes rendus qui ont été publiés par Lucien Febvre dans la revue de synthèse. Et enfin, pour la fin de la période, je vais mobiliser des entretiens. Bon, je vous ai dit que j'ai fait à peu près une centaine d'entretiens avec des géographes de tous les champs et de toutes les générations de la discipline. Et j'ai donc interrogé des géographes qui ont commencé, enfin qui ont été formés dans les années 50-60 et puis qui ont été en poste au moment de la crise. Et donc ça va être une manière de pouvoir, ça va être une manière d'interroger un petit peu les mécanismes de la crise de la géographie. Alors la démarche, le plan que je vais suivre va être assez classique. Hein. D'une part, je voudrais essayer dans un premier temps, de m'interroger sur le terrain. Me demander si le terrain, finalement, c'est pas un lieu masculin un lieu masculin. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer que le terrain, c'est un champ au sens bourdieusien, un champ d'affrontement. On va voir ensuite si la question du genre était un élément important pour comprendre le fonctionnement du champ dans cette première partie de la géographie française. Alors, dans un premier temps, je voudrais m'interroger sur le terrain comme lieu masculin. Et le but, c'est bien sûr d'étudier la géographie là où elle se fait. Hein, puisqu'on a bien compris qu'après Vidal, la géographie, elle ne se fait plus en bibliothèque, elle ne se fait plus seulement en bibliothèque, plus seulement aux archives, elle se fait avant tout sur le terrain. Hein, je vous renvoie à la phrase, la formule que l'on prête souvent à Vidal, hein, c'est « on fait de la bonne géographie avec des livres, on ne la fait meilleure avec des cartes, on ne la fait très bonne que sur le terrain ». Bon, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même cette idéologie du terrain, cette injonction méthodologique à faire du terrain qui est très forte. Et on peut se demander si finalement le fait que... Enfin, la question que je vais me poser dans cette partie, c'est de me demander si le fait qu'il n'y ait pas de femmes sur le terrain, ça conduit à faire une géographie particulière. Alors, déjà, on peut envisager les implications du renouveau de cette méthode. Je vous l'ai dit, hein, la géographie vidalienne rompt avec les modèles anciens qui consistaient à opérer une disjonction très forte entre la personne qui collecte des données et la personne qui les traite. Ça, c'est la géographie qui se met en place hein, aux Lumières, au XIXe siècle, la géographie des explorations. Je vous renvoie notamment aux travaux d'Isabelle Surin qui a travaillé sur la géographie des explorations. Désormais, le géographe tient les deux bouts de la chaîne. Il va à la fois collecter les données et il va les traiter. Et ce faisant, il va réussir à nouer deux fils, si on observe dans le temps long de la discipline géographique, donc depuis l'Antiquité, les deux fils différents de la géographie. Puisqu'en fait, si on remonte à l'Antiquité, on a deux traditions géographiques qui sont très très différentes et très opposées. D'une part, on a une tradition qui est fondée sur la périégèse, hein, c'est-à-dire sur le parcours, sur le développement, sur le récit de voyage. Par exemple, Strabon en est un bon... enfin, Hérodote ou Strabon en seraient des bons illustrateurs, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup voyagé et ils racontent, ils décrivent les contrées qu'ils visitent. Et le deuxième fil, bah, c'est très de la cosmographie. Donc tout le travail qui est fait pour faire des cartes. Hein. Je pense aux travaux de Ptolémée ou autres. Et c'est à l'époque de Vidal que ces deux traditions se rejoignent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un couple qui se dessine, qui est le couple ici et le couple ailleurs. On a le couple du local, on a le couple de l'extérieur. Le cabinet de travail et puis le terrain d'exploration. Et ça renvoie dans les mentalités, et puis aussi ça renvoie à une opposition que l'on peut faire entre finalement du masculin et du féminin. Et là, je reprends les travaux de Jean-Pierre Vernant quand il avait étudié le binôme Hermès et Hestia, comment est-ce que l'on décrit l'espace, deux manières de décrire l'espace, avec d'une part la déesse féminine Hestia, déesse du foyer, et Hermès qui est le dieu du voyage. Donc on voit bien qu'il y avait quand même il y avait une tradition qui était marquée entre d'une part un travail héroïque, on peut dire, dur, hein, de collecte de données, qui était donc un travail peut-être qu'on était masculin, enfin, de manière masculine, qui relevait des auspices d'Hermès, alors que le travail au foyer relevait davantage d'Hestia. Et en fait, on s'aperçoit que cette opposition Hermès-Hestia, elle est assez structurante pour comprendre la géographie classique. Et en effet, dans l'imaginaire qui se met en place à l'époque, on survalorise le travail de terrain au détriment du travail de cabinet. C'est-à-dire que, bon, il est évident que le travail se fait dans le cabinet, hein, c'est-à-dire que c'est là où on rédige les textes, où on publie, où on fait le travail de mise au point bibliographique. Donc c'est un travail essentiel, mais dans les critères de jugement et de valorisation des travaux géographiques, ce qui prime à l'époque, c'est avant tout le travail de terrain. Dans les comptes rendus, on va saluer la très bonne maîtrise du terrain. On va rappeler que tel géographe a passé plusieurs années sur son terrain. Par exemple, quand Raoul Blanchard fait sa grande monographie sur les Alpes, il raconte qu'il a interrogé tous les instituteurs des Alpes. Voilà, donc il est dans chaque village, il a interrogé tous les instituteurs. Donc il y a quand même une dimension assez héroïque. Et même au-delà, on peut dire que le géographe de terrain, il capitalise aussi cette dimension héroïque, tout simplement pour la force physique. À l'époque où les moyens de transport sont rares, on parcourt le terrain à pied, éventuellement à bicyclette. Si vous lisez les mémoires de Raoul Blanchard, hein, je pense à son ouvrage « Je découvre l'université », et ben il raconte qu'il a fait sa thèse entièrement à pied. Il partait de chez lui à pied, il habitait à Lille, et il allait sur les Flandres à pied, et il faisait des semaines de marche où il a parcouru tout son terrain à pied. Alors c'était une image héroïque, mais c'était aussi ce qui allait permettre la bonne connaissance du terrain, puisque voilà, c'est le contact direct, empirique, hein, on fait de la géographie avec ses pieds. Et donc le terrain, c'est vraiment ce que l'on peut toucher avec les pieds. Et donc on survalorise l'image de la force, de l'endurance. Et c'est donc une approche, si vous voulez, c'est on va valoriser des conditions qui à l'époque sont des conditions masculines. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment la virilité des géographes qui est en jeu. A fortiori pour certains domaines, comme la géographie physique, où il y a un travail physique d'extraction, de prélèvement de matériaux, où il faut pouvoir prélever des roches, les casser, vraiment pouvoir s'aventurer dans un terrain difficile, dans des éboulis ou autres, ou sur des pentes abruptes. Hein. Je repense notamment aux travaux qu'a fait en Roumanie Emmanuel de Martonne, hein, où il raconte dans ses textes, dans ses souvenirs, qu'il a quand même été dans un endroit qui était particulièrement difficile d'accès. Et donc finalement, c'est un bon scientifique, mais c'est aussi un homme courageux, un homme preux, et il s'affirme un peu par sa force, par sa forme physique. Et d'ailleurs, du terrain, les épouses sont très très largement absentes. Les géographes vont seuls sur le terrain. Et les épouses ne les accompagnent quasiment jamais. Donc là, on voit bien que les épouses, elles sont d'une même d'Hestia, elles restent au foyer à assurer la logistique. C'est ce que raconte par exemple Raoul Blanchard, hein, qui raconte que sa femme, bah, quand il partait faire ses longues journées de terrain ou même ses excursions, lui préparait amoureusement son pique-nique pour le midi, ou s'occupait de préparer ses affaires quand il partait plusieurs jours sur le terrain. Mais elle les accompagne bien peu. Et on voit très bien, on comprend bien finalement le travail de terrain, c'est pas un travail pour les femmes. Même si les femmes sont paradoxalement présentes, parce que vous avez la correspondance de Demangeon qui a été étudiée par Denis Wolff. De Mangeon, donc, quand il bat sur le terrain, écrit tous les jours à sa femme. Et il raconte tous les jours par le menu tout ce qu'il a fait. Donc pour l'historien de la géographie, c'est une source incroyable parce qu'on a vraiment le compte-rendu, pas minuté mais presque, le compte-rendu très très précis des journées de travail de Mangeon. Et c'est une source privilégiée. Donc elles sont quand même présentes. Et parfois même elles sont présentes, mais on ne les voit pas. Par exemple, dans son article, Numa Brock souligne qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de géographe qui est plus le val de géographie dans les années 1900-1940, enfin 1930. Et quand on regarde un petit peu le nom, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de femmes d'eux ou d'épouses, ou de filles d'eux. Par exemple, vous avez la fille de Demangeon qui fait une étude sur, qui fait une étude sur l'approvisionnement en fruits et légumes de la région parisienne. Vous avez la fille d'Emmanuel de Martonne qui a fait une étude sur l'organisation urbaine de Buenos Aires. Vous avez la fille de Jean Brune aussi qui fait ses travaux. Et en fait, ce qui explique Yves Mabrouk, c'est que finalement, notamment dans le cas de la fille de Martonne, pardon, à Buenos Aires, ça correspond vraiment au moment où de Martonne s'est rendu en voyage scientifique en Argentine. Il emmenait sa fille qui a profité pour en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand de Martonne, pardon, parle de ce travail-là, de cette excursion, il n'évoque pas du tout la présence de sa fille à ses côtés. Donc vous voyez bien, les femmes sont présentes, mais avec un statut très très très particulier. Et on peut même aller plus loin, c'est qu'on peut même faire du terrain un lieu d'initiation, et on peut faire de la thèse de géographie un rituel initiatique. Alors, entre les années 1900, enfin au début du XXe siècle, après un peu du XXe siècle, il n'y a aucune femme qui soutient une thèse de géographie, une thèse d'état en géographie. Donc la question est réglée, les femmes ne font pas de thèse, a priori elles ne sont pas sur le terrain. Donc elles sont complètement absentes du corpus des comptes rendus de thèse. Mais alors on peut interroger cela, c'est-à-dire qu'on peut considérer que dans le fonctionnement universitaire de l'époque, c'est-à-dire au moment où la thèse d'État est le grand œuvre, donc la thèse que l'on fait en 10 ans, et d'ailleurs les géographes de l'époque s'y sont tenus, hein, les délais d'élaboration de la thèse finalement sont assez courts, hein, ils sont faits en moins de 10 ans même, ils ont d'ailleurs été assez efficaces, les délais d'accomplissement de la thèse se sont rallongés à la fin dans les années 40-50, enfin surtout 50-60, mais on peut donc considérer que le terrain, c'est vraiment le lieu dans lequel le géographe accomplit son grand œuvre, et en ce sens, c'est vraiment le lieu d'une initiation. Alors ça apparaît par l'intime connaissance que le géographe acquiert du lieu qu'il étudie. C'est-à-dire qu'il devient constamment le spécialiste de son terrain, avec une appropriation qui passe par l'adjectif possessif. D'ailleurs, ça apparaît dans l'organisation des excursions. Les excursions sont confiées à chaque fois aux spécialistes du terrain en question. Donc en fait, l'excursion, elle est guidée par le géographe qui guide sur ses terres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce travail universitaire, cet exercice, hein, ce rituel d'intégration, il permet d'aboutir à une autre intégration, qui est l'intégration dans la carrière universitaire, puisque la thèse d'État commande l'accès aux postes et aux chaires. Donc on voit bien que dans cette partie-là, les femmes sont complètement exclues. Les femmes sont complètement exclues du système de production des savoirs et même du système de la production des enseignants à l'université. Et on est, si on tente une métaphore, on est finalement dans le cadre d'une reproduction qui est purement masculine, une sorte d'équivalent masculin de la parthénogenèse où les hommes se reproduisent entre eux. Alors pourtant, il y a des femmes qui suivent des cours de géographie. Par exemple, on a des traces, des textes, que Vidal a donné des conférences, quelques conférences, à l'École normale supérieure de jeunes filles de Fontenay-aux-Roses. Voilà, donc c'est une école de jeunes filles, donc on sait que les géographes s'intéressaient à la géographie. Dans mes comptes d'excursion, les premières femmes qui interviennent, non pas comme organisatrices, mais comme étudiantes, elles sont attestées des années 30, puisque c'est le moment où on voit, dans la liste des universités participantes, on voit l'École normale supérieure de Sèvres. Donc c'est le moment où on voit des jeunes filles qui, pour la première fois, participent aux excursions. Mais là encore, leur présence est assez limitée, puisque les effectifs des groupes sont alors faibles, hein. Il faut compter une trentaine, quarantaine de participants. Donc on pensait qu'il n'y a pas plus d'une ou deux filles. On n'a pas le détail des effectifs, mais c'est des effectifs très, très très très réduits. Il faut aussi noter que dans les années 30, la dimension physique s'est un petit peu atténuée, puisque avec la génération d'autocars, les excursions se font principalement d'autocars, donc on marche moins. Donc c'est aussi ce qui a rendu possible à l'époque l'arrivée des filles, c'est-à-dire que c'est des excursions qui se font peut-être dans des conditions de confort qui sont plus confortables. Alors, on peut donc aussi étudier la spécificité du terrain. Finalement, qu'est-ce que c'est que faire du terrain, et est-ce que faire du terrain, c'est quelque chose de typiquement masculin à l'époque? En fait, on peut voir, si on essaie d'interroger un petit peu les méthodes, que on peut avoir une forme de domination masculine du géographe sur son terrain. Et ça passe notamment par le langage. D'une part, le point de vue du géographe, on est quand même dans l'horizon du positivisme, le point de vue du géographe, c'est un point de vue surplombant. Le travail de base de la géographie à l'époque, enfin, l'exercice canonique, c'est le commentaire de paysage. Donc il s'agit de se poster sur un point haut, une colline, un clocher, et de décrire le paysage. Et le but, c'est d'embrasser le paysage. Et le terme est important. On embrasse, hein, le géographe embrasse le paysage, avec un regard qui domine. Et une fois qu'il mobilise son vocabulaire pour décrire, on s'aperçoit que le géographe, d'ailleurs c'est quelque chose qui se maintient aujourd'hui, que vous avez beaucoup de termes géographiques qui sont des termes qui sont très très largement anthropomorphiques et qui renvoient généralement au corps et principalement au corps de la femme. Ainsi, pour alors quelques exemples, hein, on parle par exemple pour décrire quelques talus aux formes arrondies, on parle de croupe. On parle pour parler de failles ou de talus de cassures, on parle de lèvres. Donc il y a quand même une sorte d'érotisation très très forte de l'espace parcouru par les géographes. Ce qui est vrai pour les terrains français l'est encore plus pour les terrains tropicaux. Si on revient sur ce qui est dit sur la géographie, par exemple, la géographie de l'Afrique, hein, qui se met en place, où les premiers géographes parlent dans les années 40-50, bon, voilà, effectivement, là, vous avez quand même toutes les évocations de la terre vierge, des territoires vierges, inconnus, de l'Afrique qui est un continent jeune, bon, voilà, des évocations qui sont quand même assez, assez fortes. Et donc, bien sûr, le but du géographe, qui a pour but d'explorer ou de pénétrer cette forêt vierge, les évocations sont très, très... les évocations, on voit bien que là, vous avez quand même des évocations masculines assez fortes. Et d'ailleurs, c'est pas seulement du comportement quand on se promène, comment dire, quand on évolue sur le terrain, c'est aussi lié à des comportements, à des actions précises des géographes. Par exemple, j'ai interrogé un géographe qui est mort il y a quelques années, hein, Paul Pélissier, qui était un des grands géographes, un des pères de la géographie africaniste française, hein, l'une des trois premières thèses de géographie. Bah, il avait pour but, et ça m'était confirmé par un de ses, par un de, pas de ses élèves, mais quelqu'un qui était un petit peu dans son sillage, Pélissier répondait, enfin, disait ouvertement que le meilleur moyen de parachever la connaissance d'une région, c'était de coucher avec une autochtone. Voilà. Et donc il s'enorgueillissait d'avoir parfaitement bien connu les différentes régions du Sénégal dans lesquelles il a travaillé. Donc on voit bien que finalement il n'y a peut-être pas une manière féminine, là effectivement il n'y a peut-être pas une manière féminine de faire de la géographie, comme le disait Nima Brock, mais en tout cas on voit bien qu'il y a quand même une manière particulièrement masculine de faire de la géographie. Mais maintenant, je voudrais, dans un deuxième temps, pour ma deuxième et dernière partie, je voudrais interroger la dimension des rapports de genre, hommes-femmes, et notamment interroger est-ce que la question du genre a été pertinente pour comprendre est-ce qu'elle est pertinente pour comprendre la crise de la géographie et donc le travail de remise en cause qui s'observe à partir fin des années 50 jusqu'à la toute fin des années 70. Est-ce que finalement les controverses qui ont lieu à l'époque, est-ce qu'elles se font sous un angle scientifique, sous un angle genré ou autre? Et pour cela, je voudrais donc essayer de mobiliser à titre métaphorique, hein, de faire du terrain un champ, mais au sens bourdieusien du terme, hein, donc essayer d'envisager le fonctionnement de la communauté sous l'angle du champ de l'affrontement. Alors, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que le terrain est un lieu de sociabilité. C'est bien sûr, je vous l'ai dit en première partie, c'est le lieu où on va produire un savoir géographique, mais le terrain, c'est avant tout un lieu de sociabilité pour les géographes, et donc très très vite un lieu de rivalité. Et dans cette perspective, hein, les excursions interuniversitaires jouent un rôle central. Les excursions interuniversitaires, en effet, montrent bien la répartition, la division géographique de la France entre les géographes qui en sont spécialistes. Chaque géographe a sa région et il s'agit de ne pas marcher sur les plates-bandes d'un autre. Par exemple, là encore, je vous renvoie à la correspondance d'Albert de Mangeon qui a étudié Denis Wolff. Il a beaucoup étudié les lettres échangées par les géographes au moment de l'organisation de ces excursions et on voit très bien qu'ils sont, enfin tous les géographes sont très très pointilleux sur les, sur le fait de respecter le terrain d'un tel et d'un tel. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire une excursion sur le terrain d'un autre, on n'a pas de légitimité. Donc c'est vraiment un lieu de sociabilité et c'est aussi un lieu de rivalité. Le but, c'est vraiment de pouvoir montrer qu'on connaît mieux la région que les autres et de pouvoir asseoir sur une connaissance physique empirique la connaissance des lieux. Et là encore, la question de cette légitimité, elle passe aussi par des questions purement physiques et par des capacités physiques. Par exemple, pour se faire entendre, au sens propre, il faut parfois parler un peu fort. Et je vous renvoie à ce qui s'est passé en 1909 quand Raoul Blanchard organise une excursion dans les Alpes. Il est très très mécontent parce qu'il organise, il a un très très gros travail pour organiser une excursion dans les Alpes. Et il s'aperçoit qu'il y a Emmanuel de Martonne, donc qui est un prof de Paris, puisqu'à l'époque il a quitté Rennes, qui suit qui suit l'excursion, mais qui fait des commentaires à un petit groupe autour de lui. Et la grande question, donc, ce qui se profile à l'horizon, ça va être la querelle qui va opposer ce qu'on appelait l'école de Paris et l'école de Grenoble en termes de géomorphologie, pour un peu étudier l'origine de la formation des Alpes. Mais finalement, ce qu'arrive à montrer Blanchard, c'est qu'il arrive à s'imposer parce qu'il écrit noir sur blanc dans ses mémoires, il gueule plus fort que de Martonne. Donc là encore, c'est des qualités physiques qui sont mises en avant. Et donc finalement, même si on est dans l'atmosphère un peu policée du monde académique, c'est quand même parfois des qualités viriles qui sont mises en avant. Qui sont mises en avant. Et d'ailleurs, le terrain, c'est ça, c'est davantage un lieu, c'est avant tout un lieu où les hommes se retrouvent. Et les formes de sociabilité qui sont liées sont des formes typiquement masculines, qui sont pas loin de rappeler la sociabilité de caserne ou le folklore, ou le folklore, oui, le folklore des casernes. J'en prends un exemple, ce sont les chansons de terrain qui sont chantées par les étudiants et les participants. Avec un collègue, Michel Sivignon, on avait commencé à récupérer des chansons de terrain et on en a récupéré quelques-unes sur la période des années 50-60, donc la fin des excursions de terrain universitaires. Alors c'était une tradition, en forme du carnavalesque assumé, que les étudiants fassent des chansons reprenant des refrains connus, des refrains populaires ou des refrains à la mode pour moquer directement leurs enseignants. Et ce qui permettait d'accompagner les longues marches, parce qu'après tout, quand on marche d'un point à un autre, même si on s'arrête pour commenter le paysage, il y a beaucoup de passages où finalement, c'est pas tellement intéressant, et donc on chante et ça marche le rythme. Bon, les chansons sont très largement sur un registre grivois, registre grivois. Je prends juste l'exemple de la chanson qui avait eu lieu dans les années 60 pour l'excursion dans le Jura. C'est une chanson qui est faite sur l'air de la truite de Schubert. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on retrouve une formation géologique particulière, un trou, dans lequel on retrouve une roche qui n'aurait aucune raison d'y être. Et en fait, il est dit noir sur blanc dans la chanson que le vieux Blanchard, donc le Blanchard qu'on a vu au début, mais qui est à la fin de sa carrière dans les années 60, le vieux Blanchard s'y est rendu, mais il n'a rien trouvé. Pas étonnant si à son âge, il s'est encore trompé de trou. Voilà, c'était le refrain qui venait. Donc voilà, et c'était parfaitement assumé, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment, et même les enseignants encourageaient les étudiants à se moquer d'eux. Ça faisait partie, en plus ils étaient là, ils suivaient, c'était même pas fait dans leur dos, ils étaient présents. Donc on est quand même dans une forme de sociabilité qui est très largement masculine. Alors les femmes dans ces excursions arrivent, hein, je vous ai dit, comme étudiantes dès les années 30, mais vraiment par petits effectifs. Hein, on a quelques élèves de l'école de Sèvres. En fait, les femmes arrivent. On imagine, même si dans les sources c'est pas clair, elles arrivent principalement dans les années 50, au moment de la massification de l'enseignement supérieur. Donc il y a davantage d'universités qui participent, et par ailleurs, avec ce que l'on sait du recrutement des universités et que les femmes accèdent à l'enseignement supérieur et suivent de plus en plus d'études, eh bien on pense que les femmes commencent à accéder à ces excursions. Ce qui n'empêche rien, puisque la chanson que je vous ai évoquée, c'était les années 60, le moment où des femmes déjà accéder aux affaires. Et il faut même arriver très très tard, dans les années 60-65, à l'excursion de Tours, pour qu'une femme, Jacqueline Bonamour, organise, soit la première femme à organiser, alors pas toute seule, hein. Pas toute seule, ils sont 4 ou 5 collègues à l'époque. Jacqueline Bonamour doit être assistante ou maître assistante, et elle participe à l'excursion, à l'organisation d'une excursion. Alors finalement, les femmes arrivent en géographie assez tardivement. La première femme qui a un poste de maître assistant à la Sorbonne, c'est Jacqueline Bouge-Garnier, c'est en 1942. Alors, d'ailleurs, c'est une phrase que glosse beaucoup Claire Hancock dans l'article qu'elle a fait en réaction à celui de Numa Brock. Numa Brock écrit « En 1942, le dernier verrou saute pour les femmes. » Bon, finalement, on s'aperçoit que très longtemps après encore, il y a encore finalement moins de femmes qui sont présentes dans la communauté et surtout moins de femmes qui accèdent au poste de responsabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée des femmes, donc Jacqueline Bourgeois-Garnier en 1942, puis après, à la fin des années 50, de Jacqueline Bonnamour, hein, qui est... Alors, Jacqueline Bourgeois-Garnier, c'était une géographe de la ville, même si elle avait fait une thèse très classique en géomorphologie sur le Morvan, et donc en cela, elle était parfaitement dans les clous de la géographie de l'époque. Ensuite, elle a travaillé sur la ville, et la deuxième femme à arriver un petit peu en poste, c'était Jacqueline Bonnamour, qui, elle, était une géographe ruraliste, qui s'intéressait aussi, grâce à Jacqueline Bonnamour et puis à ses origines familiales, qui s'interrogeait aussi, elle, sur le Morvan, mais qui après a mené toute sa vie une carrière de ruraliste. Alors, et c'est aussi le moment où on voit apparaître des femmes, notamment des femmes qui arrivent à l'Institut de géographie, qui enseignent un tout petit peu avant ou un tout petit peu après la crise de 68. C'est-à-dire que les femmes commencent vraiment, je pense notamment à Denise Pumin, à Marie-Claire Robic, à Thérèse Saint-Julien, à Violette Ray, qui sont nommées assistantes à l'Institut de géographie un tout petit peu avant la crise de 68 ou un tout petit peu après la crise de 68. Alors, j'en ai interrogé quelques-unes de femmes, et c'est assez intéressant de voir que, bah, pour elles, la question ne s'est pas posée sous l'angle du genre. Et qu'elles ne se sont pas positionnées une seule fois dans l'angle, enfin dans cette université comme femmes. C'est-à-dire qu'au contraire, elles revendiquent d'être l'égale des hommes. Jacqueline Bonnamour bah, revendique d'avoir fait une thèse très classique sur le Morvan, et une thèse bah, qui la place à l'égal des thèses qui étaient faites par les hommes de l'époque. C'est-à-dire que c'est une thèse qui n'est pas différente, qui se coule dans les canons de l'époque. Donc finalement, on voit bien que l'horizon de référence, le critère à suivre, c'est vraiment la thèse de géographie classique telle qu'elle avait été définie par la géographie vidalienne. On retrouve dans cette démarche ce que pointe, je pense notamment à la préface de Fassin, à l'édition de française, la traduction française de Judith Butler, le féminisme des années 60-70, où justement faire acte de féminisme, c'est revendiquer la parfaite égalité avec les hommes. C'est-à-dire que si les femmes accèdent aux postes à responsabilité à l'époque, à des chaires ou à des postes importants, c'est pas parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'elles sont aussi compétentes que les hommes. Et donc on va chercher au contraire à marquer. À nier le côté féminin de leur personnalité. Juste une anecdote, hein, quand je faisais mes entretiens, je renvoyais systématiquement aux personnes interrogées la retranscription pour qu'elles puissent éventuellement corriger, compléter, nuancer un point de détail. Je l'envoyais à Jacqueline Bonnamour. La seule correction qu'elle a faite, c'était de corriger directrice de l'école normale supérieure de Fontenay des Saint-Cloud, parce qu'elle était pendant 15 ans en poste, et remplacer directrice par directeur. Voilà. Donc ça vous montre bien que l'idée, c'était pas parce que c'était une femme, voilà, il n'y a pas de spécificité, elle faisait un travail en termes de responsabilité qui était le même, et dans sa carrière, elle n'avait rien à voir. Enfin, le fait qu'elle soit arrivée dans sa carrière, c'était pas lié à son sexe ou à son genre. Et donc ça invite finalement à nuancer fortement, et même aussi si on s'appuie sur d'autres lectures, la question de la crise de la géographie, qui va laisser la voie, mais ça peut-être que Anne va en parler en termes de questionnement, qui va peut-être laisser la voie ensuite à des questionnements qui vont être des questionnements du genre, elle ne se fait pas sur des questions de genre. C'est-à-dire que le renouvellement que l'on observe à l'époque, ça se fait principalement sur le motif du renouvellement générationnel, c'est-à-dire que vous avez l'arrivée massive d'une génération qui arrive en poste à l'université, parce que la massification, ça crée de nouveaux postes, et en fait vous avez le verrou du mandarinat qui commence plus ou moins à sauter. Et donc l'opposition entre les jeunes et les vieux, pour faire simple, va se traduire par un renouvellement scientifique et puis une évolution théorique. Et donc dans ce contexte-là, les femmes qui arrivent en poste dans les universités dans les années 70, bah, finalement, elles ne sont pas encore porteuses d'une dimension militante féministe, et là encore, elles se coulent parfaitement dans le moule de la géographie masculiniste qui avait été mis en place progressivement dans la première longue moitié du XXe siècle. Alors, en guise de conclusion, on peut donc revenir sur le côté de l'impensé. C'est que finalement, la géographie masculiniste, j'ai essayé de vous montrer par quelques éléments, mais on pourrait, je pense, c'est vraiment un champ qu'il faudrait que je vais essayer de poursuivre, c'est vraiment, on peut vraiment essayer de qualifier la géographie de masculiniste, mais ça relève très largement de la pensée. Et c'est peut-être ça la principale difficulté, c'est-à-dire que ça pose là pour le coup un problème méthodologique qui est certain, c'est-à-dire qu'il faut quand même trouver des sources, des archives pour pouvoir faire cette étude de cette géographie masculiniste et pouvoir finalement faire parler les creux de ces textes. Et c'est la principale difficulté que j'ai eue à vous en parler ce matin, c'est que finalement, j'ai un petit peu interrogé les béances de mes archives, en sentant bien que la question était cruciale, mais en ayant beaucoup de difficultés à pouvoir attraper des faits concrets pour construire cet objet avec vous. Voilà, je vous remercie.